Le journal chinois Nouvelle de la Planète et la télévision birmane ont présenté le 25 et 27 juillet le musée de la nature et le sceau central construit à Pyongyang suivant le grand dessin du Parti du Travail de Corée. La télévision satellitaire Phoenix et le journal Takombao de Hong Kong de Chine aussi les ont présentés avec des photos.